Bonjour frères et sœurs, nous voilà arrivés au message numéro 6 de notre série que j'ai intitulée « Salut à venir et jugement dernier ». En effet, certains versets de la Bible parlent du salut au présent, tels par exemple 1 Jean 5,13 « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ». Mais en observant d'autres textes, nous réalisons que ce que nous avons reçu n'est pas tout le salut. En réalité, nous n'avons reçu que la semence de la vie éternelle, voire 1 Jean 3,9 à ce propos. La vraie doctrine du salut est la suivante. Si nous persévérons jusqu'à la fin de notre vie à être fidèles au Seigneur dans ce qu'il nous demande d'être et de faire, nous obtiendrons le salut dans sa plénitude. À ce moment et à aucun autre, nous serons sauvés, toujours sauvés. Parce que présentement, rien n'est encore joué tant que nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée. Le salut se fait en 2 phases. Il y a la ligne de départ, qui est de croire en Christ, et la ligne d'arrivée, qui est de mourir dans le Seigneur. Vous vous rappelez comment Paul compare les chrétiens à des athlètes qui courent dans un stade? Le salut, c'est exactement ça. Quand on a accepté le Seigneur, nous avons été sélectionnés pour participer à cette course. C'est merveilleux. Nous avons pris place à la ligne de départ avec les autres, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Lorsqu'on parle de l'assurance du salut, on se gourre un peu dans les mots. Le vrai chrétien possède plutôt l'assurance d'être né de nouveau, l'assurance d'avoir été adopté et d'être devenu un enfant de Dieu, par l'Esprit duquel il crie « Abba, Père ». Mais nous n'aurons l'assurance du salut que le jour où, après avoir été jugés, nous entendrons la voix qui nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Quand on accepte le Seigneur comme sauveur, nous venons de franchir la porte du salut. Jésus a dit « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé, au futur », c'est-à-dire si tout se passe bien. Première étape, on entre par la porte du salut. Mais tout n'est pas encore déterminé, tout n'est pas encore joué. Il reste à marcher dans le chemin étroit durant toute notre vie. Et durant cette période, il peut arriver n'importe quoi. Dans une vie, il en arrive des choses. L'ennemi jettera tout ce qu'il pourra trouver pour rendre votre marche dans le Seigneur difficile. Beaucoup reculeront et tomberont. Nous voyons des tas de gens arriver à l'église et en repartir. Beaucoup semblent avoir vécu une véritable nouvelle naissance, mais quand viennent les épreuves, ils retournent en arrière. D'autres vont vraiment s'enraciner dans le Seigneur et vont même entrer dans un ministère et être engagés dans l'Église pendant plusieurs années. Mais pour toutes sortes de raisons, certains vont tout abandonner quand même et retourner dans le monde. D'autres vont très lentement se refroidir, se figer et s'endormir dans la tiédeur. Il y a plusieurs années, j'ai connu un homme qui avait eu une conversion extraordinaire. Il a reçu des dons spirituels vraiment étonnants. Auparavant, c'était un moteur, un alcoolique chronique, un narcomane, un nymphomane, un violent, et j'en passe des tonnes. Après avoir connu la grâce de Dieu, cet homme avait arrêté la drogue, l'alcool, la fornication. Il avait mis toute sa vie en ordre par la grâce de Dieu. Il s'est même mis à prêcher l'Évangile à plein temps pendant plusieurs années. Il a même fondé une communauté d'environ 25 jeunes sous sa tutelle et ils ont évangélisé les 3/4 de la province de Québec. Mais le type a mal vieilli. Il y avait un problème dans sa vie, un problème d'orgueil gros comme une maison, et ne s'en est jamais sanctifié. Dieu a été patient avec lui environ pendant 10 ou 15 ans au maximum. Il s'est mis à perdre la grâce lentement, et ce qui devait arriver arriva. Il est retombé dans l'alcool, et il s'est mis à coucher avec les jeunes filles du groupe. Il a essayé de retrouver la grâce, mais il ne l'a jamais retrouvée. Finalement, il s'est suicidé avec sa voiture. Tout ça pour dire que sauver un jour ne veut pas dire sauver toujours. Si on vous a mis cette bêtise-là dans la tête, eh bien, faites le ménage, passez l'aspirateur dans vos cheveux, là, et enlevez-vous ça de la tête parce que c'est faux. En 41 ans de vie chrétienne, j'en ai vu des vrais chrétiens arriver et repartir, naître de nouveau, grandir, porter du fruit et retomber, et ce, pour toutes sortes de raisons. Quand Jean a écrit « S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous », il ne parlait pas de tout le monde. Il parlait des antéchrists et des apostats. Il faut arrêter de citer ce verset à tort et à travers à chaque fois qu'une personne quitte l'Église. Il y a tant de raisons pour lesquelles un croyant peut déchoir qu'on n'en finirait pas de faire une liste exhaustive. Alors je crois qu'il faut arrêter d'essayer de mettre tout le monde dans la même boîte. Avouons que c'est quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a que Dieu qui puisse juger les cœurs de tous ces gens. Lui seul sait qui lui a appartenu réellement ou pas, ou seulement pour un temps. Dieu a remis tout jugement au Seigneur, pas à nous. En Matthieu 25, nous voyons le Seigneur séparer les brebis des boucs. Ce n'est qu'arrivé là que nous verrons ceux qui seront sauvés pour l'éternité. Mais en attendant, il nous faut combattre le bon combat de la foi. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons reçu la semence de la vie éternelle. Au jour du jugement, si nous l'avons gardée et fait fructifier par de bonnes œuvres de charité, nous recevrons la récompense du salut et de la vie éternelle dans sa plénitude. 1 Pierre 1,7 nous dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » La foi doit d'abord être éprouvée avant de crier au salut. Si votre foi n'a pas été éprouvée, de quelle valeur est-elle? Il n'y a qu'une foi éprouvée qui procurera le salut. Il faut que notre foi soit éprouvée et qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre. C'est la foi qui a été éprouvée qui héritera le royaume de Dieu. Dans son Apocalypse, Jésus dit à plusieurs reprises que le salut est à celui qui vaincra. C'est pourquoi nous ne pouvons parler maintenant d'assurance du salut éternel. Beaucoup de croyants regardent le salut comme une affaire classée, alors qu'il n'en est rien. Voilà pourquoi le croyant travaille à son salut avec crainte et tremblement. Celui qui se repose sur l'assurance de son salut est en danger de s'endormir dessus, de ne plus y travailler, et finir par tomber dans la tiédeur et de le perdre. C'est normal d'avoir l'assurance d'avoir été sauvé. C'est normal d'avoir l'assurance d'être un enfant de Dieu. Mais dire qu'on est sauvé, toujours sauvé, sauvé pour l'éternité, ça, ce n'est pas biblique. Je dis que le vrai salut est à venir. Voici une liste de versets qui le stipule assez clairement. Romains 5,2 « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, et non la certitude de la gloire de Dieu. » Galates 5,5 « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Éphésiens 4,30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » 1 Jean 3,9 « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » 1 Pierre 1,5 « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Matthieu 7,14 « Resserrez le chemin qui mène à la vie. » 1 Pierre 1,9 « Vous obtiendrez au futur le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » 1 Thessaloniciens 5,9 « Vous êtes destinés à l'acquisition du salut. » 2 Timothée 2,10 « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » 2 Pierre 1,10, 11 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Tite 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Romains 8, 23-24 « Mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Romains 13, 11 « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le salut n'est pas derrière nous, il est devant nous. 1 Jean 2, 25 « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Matthieu 10, 22 « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà pourquoi chez les catholiques, on ne parle pas de l'assurance du salut, on parle de l'espérance du salut, ce qui est à mon point de vue plus biblique. Ne soyez pas indignés, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, et rendez à l'Église ce qui est à l'Église. Je crois que toutes les Églises bronchent de plusieurs manières, et je crois que toutes les Églises abritent plusieurs vérités également. Si tout était déjà joué à propos du salut, pourquoi il est écrit « Exhortez-vous chaque jour afin que nul de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché » C'est parce qu'il y a le risque qu'avec le temps et les multiples tentations, nous retombions dans le péché ou dans la tiédeur et que nous nous retirions. L'épreuve du temps est la pire des épreuves. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons l'assurance d'être devenus un enfant de Dieu. Les chrétiens appellent ça l'assurance du salut, mais c'est une expression qui prête à confusion. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pour cela que la question « Est-ce que le salut se perd ou ne se perd pas ?» est un peu bizarre. Comment voulez-vous perdre ce que vous n'avez pas encore ? On devrait plutôt demander « Est-ce que Dieu peut nous abandonner ?» ou « Est-ce que je peux abandonner l'entreprise de mon salut ?» Voilà des questions qui peuvent se répondre par oui ou par non. Nous avons reçu l'assurance d'être enfants de Dieu. Mais entre le moment où nous sommes devenus un enfant de Dieu et le moment où nous mourrons et serons jugés, il peut arriver des tas de choses. C'est pour ça que le Seigneur nous dit en Apocalypse 3:11 « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors parler dès maintenant de la certitude de notre salut est un peu présomptueux. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je parle du salut final. Mais si vous dites « J'ai l'assurance de mon salut » et que vous parliez de votre condition présente, on va se comprendre quand même. Quand un chrétien dit « J'ai l'assurance de mon salut », il veut dire « J'ai l'assurance d'être devenu un enfant de Dieu ». On se comprend, on ne va pas en faire un fromage de ça, là. Mais si un croyant dit « J'ai l'assurance de mon salut » et que dans son esprit, il veut dire que son salut est déjà dans la boîte, qu'il peut faire n'importe quoi et qu'il demeure sauvé quoi qu'il fasse, alors là, je dis un instant. Ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Quand une personne accepte le Seigneur, nous disons qu'elle est sauvée. C'est une façon de parler. Il faut s'entendre sur cette expression. Être sauvé veut dire que nous sommes entrés dans le salut, pas que nous l'avons atteint encore. En acceptant le Seigneur, nous voulons dire que nous nous sommes mis en chemin vers le salut final. Pas que nous sommes arrivés, et encore moins que nous n'avons plus rien à faire. La vérité est tout à l'opposé. Il reste tout à faire. Il reste le chemin étroit à parcourir durant toute notre vie. Nous ne serons vraiment sauvés que lorsque nous mourrons, que nous ressusciterons, que nous serons jugés, et jugés dignes d'entrer dans le royaume éternel de Dieu. Voilà la vraie et pure doctrine évangélique et biblique. Passons à autre chose maintenant. Matthieu 7:21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Selon le Christ, le salut consiste à croire en lui et à faire la volonté de Dieu. Et surtout à faire la volonté de Dieu. Les deux sont inséparables. Faire la volonté de Dieu, voilà ce que c'est que croire en Jésus. La foi n'est jamais sans les œuvres, ou alors ce n'est pas la foi qui sauve. Je vous donne un exemple. Jacques 2, 24-26. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres? Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Que vous faut-il de plus clair que ça, frères et sœurs? Le salut par la foi seule et sans les œuvres de Martin Luther n'est qu'une foi efféminée, sans force et qui ne sauvera pratiquement personne. Si vous ne faites rien de votre salut sur la terre, il vous sera enlevé quand le Seigneur reviendra du ciel. C'est ce que la parabole des talents et des mines nous montre. Enlevez-lui le talent, enlevez-lui la mine. Car on ôtera à celui qui croit avoir. Voilà ce qui s'est passé à propos de Rahab. On a l'histoire en Josué 2:11. Rahab dit aux espions, « C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Vous voyez la belle confession de la bouche. Si Rahab n'avait fait que confesser sa foi en Dieu, est-ce qu'elle aurait été sauvée? Non. Josué 2.4, la femme prit les deux hommes et les cacha. Josué 2.15, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Josué 6.25, Josué laissa la vie à Rahab. L'Écriture dit que Rahab eut foi en ce que lui avaient dit les espions. C'est pourquoi elle les a cachés. Sa foi n'a été salvatrice qu'au moment où elle a produit l'œuvre. Dans l'Écriture, les bonnes œuvres sont toujours incluses dans le mot « foi ». Dans toute la Bible, la foi seule n'existe pas. Si nous séparons les œuvres de la foi, nous la rendons stérile et inefficace. La foi et les œuvres ne doivent jamais être mises en opposition, mais en complément l'un de l'autre. La foi telle que Martin Luther l'entendait n'était qu'une simple croyance mentale, sans vie et sans fruit. C'est l'erreur dont les protestants ont été nourris depuis presque 5 siècles. Mais la vérité de la parole de Dieu demeure à jamais. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Voilà la vraie doctrine biblique et évangélique. Voilà la foi telle que Jésus l'a enseignée, telle que les apôtres l'ont enseignée et telle que l'Église l'a toujours enseignée. La foi, selon Martin Luther, n'est qu'une chimère, une foi qui ne sauve pas. La 11e proposition que Martin Luther a faite au pape Léon X s'énonçait comme suit. « Croyez fortement que vous êtes absous, que vous êtes pardonné de Dieu, et vous l'êtes, quoi qu'il en soit de la contrition, c'est-à-dire la repentance. » En d'autres mots, le salut, ça se passe dans la tête. Si tu crois que tu es sauvé, alors tu es sauvé. Tu n'as même pas besoin de repentance. Ça, c'est la véritable doctrine luthérienne. Frères et sœurs, prenons garde à ceux qui prêchent un évangile vidé de ce qui en fait la force. Il ne s'agit pas seulement de se persuader soi-même qu'on est sauvé pour l'être. Je m'excuse, mais le salut luthérien n'est pas biblique. Les anciens docteurs de l'Église sont tous d'accord sur ce point qui fait toute la différence entre être perdu et être sauvé, c'est que les œuvres doivent être jointes à la foi, sinon la foi est vaine. Saint Hilaire de Poitiers au IVe siècle, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu et non l'emploi répété de son nom qui nous fait trouver le chemin qui conduit au ciel. Saint Jérôme au Ve siècle, les serviteurs de Dieu doivent nécessairement réunir ces deux choses, soutenir leurs œuvres par leurs discours et appuyer leurs discours par leurs œuvres. Saint Augustin au IVe siècle, n'allons pas croire que pour produire les fruits dont le Seigneur a parlé plus haut, il suffise de dire à Dieu « Seigneur, Seigneur » et d'avoir par là même l'apparence d'un bon arbre. Ces fruits consistent à faire la volonté de Dieu. Fin de citation. Il y a une multitude de citations semblables. L'Église catholique enseigne un salut par grâce au moyen de la foi en Jésus et une foi qui se manifeste par l'accomplissement d'œuvres charitables que Dieu nous demande. La doctrine de l'Église est de très loin beaucoup plus biblique que celle de Martin Luther. Dans ce conflit-là, entre Luther et le pape Léon X, c'est le pape Léon qui avait raison. Paul a enseigné un salut par la foi sans les œuvres de la loi de Moïse, mais jamais sans les œuvres de la foi. Sans les œuvres de la foi, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Pour une étude complète sur le rôle des œuvres dans le salut, je vous invite à écouter ma petite série de 4 messages à ce sujet et que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Que dit l'Écriture? Éphésiens 2, 8, 9, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On parle des œuvres de la loi de Moïse. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Une autre traduction a rendu « et en faire une quotidienne façon de vivre ». Une autre traduction « que nous en fassions l'emploi de nos vies. » Romains 6.13 va dans le même sens. « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Une autre traduction a rendu « Vous devez livrer vos facultés au service de la justice. » Une autre traduction a rendu « Mettez-vous au service de Dieu ». C'est ça le plan de Dieu pour nous. Quand on dit aux gens, quand on évangélise, « Ah, accepte le Seigneur, Dieu a un plan pour ta vie », alors que le plan que Dieu a pour notre vie, nous nous en foutons royalement. Oui, Dieu a un plan pour ceux qui se convertissent, et c'est d'accomplir les œuvres que Dieu va nous demander de pratiquer. Paul ne fait pas ici seulement une belle exhortation, mais il utilise un impératif. Donnez-vous vous-même à Dieu. Mettez-vous au service de Dieu. Livrez vos facultés au service de Dieu. Et ça, mes amis, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas que pour les récompenses, ce n'est pas laissé à notre discrétion ou à notre choix ou à notre humeur. L'obéissance aux œuvres que Dieu met devant nous est nécessaire, essentielle, obligatoire et indispensable au salut. Pourquoi tant de chrétiens ne font que citer Éphésiens 2, 8, 9, toujours et encore, et ne citent jamais le verset 10 qui lui est inséparable? Quand Paul dit que le salut n'est point par les œuvres, il parle de la circoncision, des sacrifices, des oblations et de tout le patatras qui va avec là. C'est bien évident que ces œuvres ne nous sauveront pas. Les Juifs se glorifiaient de suivre tout ça. Depuis le premier jour de notre salut, Dieu a établi un plan pour notre vie. Il vous demandera de faire des petites choses et de dire d'autres choses. Quand Paul parle de son appel au ministère, il dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Nous voyons que ces œuvres n'étaient pas qu'une question de récompense, mais de salut. Si Paul n'avait pas évangélisé, Paul n'aurait pas été sauvé. Il dit la même chose à Timothée « Ne néglige pas le don qui est en toi, occupe-toi de ces choses ». Donne-toi tout entier à elle, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. 1 Timothée 4, 14 et 16. Alors non, les œuvres ne sont pas que pour les récompenses, là, comme on entend souvent, les œuvres que Dieu nous demande détermineront un jour notre salut final. Romains 2, 7. Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Question de salut. 1 Timothée 2,15, un verset resté inexplicable pendant très longtemps, prend maintenant tout son sens. La femme sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Une jeune femme peut se demander « Ben moi, je ne me trouve pas de don particulier, je me sens pas appelé par le ministère à quoi que ce soit de spécial. Quelle œuvre je peux faire pour porter du fruit, moi? » Ben voilà, en devenant mère, en élevant ses enfants dans le Seigneur et en poursuivant la sainteté personnelle, ce n'est pas plus compliqué. Également, c'est à travers les œuvres bonnes que Dieu donne une réelle raison de vivre à ceux qui n'en avaient pas. Les œuvres que Dieu nous demande donnent un sens à notre vie, nous remplissent l'âme et le cœur de joie, et nous donnent envie de courir tellement nous nous sentons remplis d'énergie pour le Seigneur, pour le service de Dieu. L'obéissance au Seigneur est la source de joie et de bonheur sur la terre. Le Père Gabriel, en 1958, a écrit « Si par paresse ou négligence, nous laissons échapper l'occasion de faire une bonne œuvre, celle-ci est perdue pour toujours. » Vous savez, les gens souffrent à cause de tous ces chrétiens qui n'obéissent pas au Seigneur, qui n'ouvrent pas la bouche quand Dieu le leur demande et qui ne font rien quand Dieu leur demande de faire quelque chose. Le monde souffre et je crois sincèrement que nous retardons la venue du Seigneur. Si votre foi est vraie et si votre foi est vivante, le Seigneur mettra toujours de bonnes œuvres devant vous, il vous les verrez. Si votre foi ne produit rien, c'est que votre foi est morte. Et si votre foi est morte, vous l'êtes aussi. Et dans ce cas, malheureusement, il en sera de vous, comme dans la parabole des mines, celui qui n'avait qu'une mine, la mine de la foi, ne fit rien avec et alla l'enterrer. Il ne la fit pas valoir, c'est-à-dire qu'il ne fit aucune œuvre. Que lui arriva-t-il à ce serviteur? Quand le maître arriva, il lui enleva la mine et dit, « Ainsi, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. À celui qui n'a pas fait d'œuvre, on enlèvera même ce qu'il croit avoir, le salut. » Entre parenthèses. Matthieu 22, 11, 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu n'as rien fait avec tes membres sur la terre, tu en seras privé pour l'éternité. » Révélation 19, 8. Il leur fut donné de se revêtir de fin lin blanc. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voyez-vous ce que c'est que l'habit de noces? Nos œuvres. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je comprends bien le fait d'avoir été, comme moi, endoctriné à la masse par la théologie luthérienne et calviniste pendant des années rend très difficile d'y voir clair. Mais relisez les évangiles le plus objectivement possible, et vous y verrez maintenant des choses que votre tête se refusait de voir auparavant. Le salut n'est pas quelque chose de passé, mais de futur. D'abord, on est illuminé par le Saint-Esprit. Et nous reconnaissons la porte qui est Jésus. Ensuite, nous passons la porte, qui est l'abandon du péché qui nous liait au monde. Puis, nous nous engageons dans le chemin étroit, c'est-à-dire le chemin de l'obéissance aux œuvres que Dieu nous demande. Finalement, nous mourons. Nous nous endormons dans la foi, comme les dix vierges se sont endormies. À la résurrection, nous nous éveillerons pour recevoir notre époux céleste. Nous entrerons dans la salle des noces, revêtus de notre habit tissé de nos œuvres. Apocalypse 14, 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous voyons les œuvres qui assurent le salut ici. Matthieu 13, 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il est là le vrai salut, frères et sœurs, à la toute fin. Je ne comprends pas ceux qui enseignent que l'on peut retomber dans nos anciens péchés, même commettre un meurtre et être sauvé quand même. Le salaire du péché, c'est la mort. Attention à tous ces faux prophètes, à tous ces faux enseignants et à toutes ces fausses doctrines. Chaque croyant possède des capacités pour glorifier le Seigneur. Pour une âme bien-née, il n'est pas difficile de faire le bien. C'est au contraire une façon de vivre magnifique, qui donne des ailes à toute la vie. L'obéissance est un mode de vie qui porte en lui-même ses récompenses, dès maintenant, dans cette vie. Alors je résume tout ce que j'ai dit. Le chrétien est sauvé en espérance, c'est-à-dire qu'il est en chemin vers le salut final. La grâce du salut nous est gracieusement accordée par Dieu, par la foi en son Fils. Au moyen de cette foi, l'âme est amenée à la repentance de ses péchés. La grâce entre ensuite dans le cœur et accomplit la nouvelle naissance. Ce retournement place l'âme devant la face de Dieu. Une mission nous est ensuite donnée. Un plan de vie nous est communiqué, au jour le jour. De bonnes œuvres sont placées devant nous, sur notre route, par la providence divine, afin que nous les accomplissions. Nous comprenons maintenant qu'il ne s'agit pas seulement de croire et de dire « Seigneur, Seigneur », mais de faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire d'accomplir le plan de vie et les œuvres qu'il nous demande. La foi est toujours agissante par la charité de ses œuvres. Une foi qui ne produit pas de bons fruits est une foi morte, vaine et incapable de procurer le salut. Au jour du jugement, il sera demandé compte aux croyants de leur obéissance et surtout de leur charité. « J'ai eu faim et j'ai eu soif et vous m'avez donné à manger et à boire. » Ou « Vous ne m'avez pas donné à manger et à boire. » Ainsi, voyons-nous que la semence du salut que nous avons reçue sur la terre sera réexaminée au ciel pour voir si elle a porté des fruits charitables. Les croyants qui n'auront pas correspondu à la grâce seront jetés et poussés dans le lac de feu. Les croyants qui auront obéi à la grâce et qui auront porté les fruits que Dieu leur demandait entreront dans le repos éternel. Voilà la véritable doctrine biblique et évangélique. Voilà ce que la Bible enseigne. Le vieux Père Arnold, en 1945, a écrit « Lors même que vous connaîtriez tous les mystères, que vous étonneriez le monde par vos miracles, Si votre cœur n'est pas semblable à celui de Jésus, vous n'êtes rien, et vous n'avez rien fait pour votre salut. Vous serez jugé au dernier jour sur la ressemblance de votre cœur avec le sien. C'est de ce point que dépendra votre sort pendant l'éternité. Rien de ce que vous avez fait ne vous servira si vous ne l'avez fait en conformité au cœur de Jésus. Plus votre cœur sera semblable au sien, plus votre salut sera assuré. Fin de citation. En conclusion, je dis seulement ceci. Ce n'est qu'une fois entrés dans le royaume de Dieu que nous serons vraiment sauvés, toujours sauvés. Amen.